Bonjour à toutes et à tous, chers fidèles auditeurs de la radio Isanganiro. Bienvenue à l'écoute de ce journal. Tout d'abord, les titres. Certains patients de la province Ngozi éprouvent beaucoup de difficultés pour avoir des médicaments. Les raisons de ces difficultés, c'est dans ce journal. Et certains enseignants de la province Bururi se lamentent que le recensement qui est en train d'être fait n'est pas bien organisé. Vous entendrez le reportage de notre confrère Jean-Pierre Misago. Et la Cour de compte avise le Parlement burundais que le taux élevé des réalisations met en cause la validité de l'autorisation budgétaire. Voilà pour les titres. Epitas Ndaishimi est à la cabine technique et Moïse Misago est à la présentation. Bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ouvrons cette édition par la page Santé, grogne des patients qui fréquentent ces jours-ci l'hôpital régional de Ngozi. À l'origine, les médicaments prescrits par les médecins ne sont pas reconnus par des pharmaciens et les malades rentrent bredouilles. Le médecin directeur de cet hôpital explique cela par la nouvelle ordonnance ministérielle qui les oblige à prescrire les médicaments selon la dénomination commune internationale et non selon le nom commercial, d'où les pharmaciens sont déroutés. Apollinaire Muzagara, correspondance. Cette ordonnance ministérielle numéro 630-839 du 3 mai cette année oblige les médecins à la nouvelle prescription de médicaments selon la dénomination commune internationale au lieu de le faire sous le nom commercial normalement reconnu par des pharmacies. À titre illustratif, sous le nom commercial, le potentiateur devient aspartate d'argile avec la nouvelle prescription. Arrivé à la pharmacie, les patients ne sont pas servis car ces pharmaciens ne connaissent pas cette appellation selon la DCI. Contacté à propos, certains médecins de cet hôpital, y compris le directeur Guillaume Naukiliayo, affirment qu'ils ont du pain sur la planche à choisir entre les deux méthodes. Faut-il transgresser la loi ou abandonner les patients? S'interrogent-ils sans réponse. Ces médecins et même leurs malades demandent aux autorités habilitées de prendre une décision urgente allant dans le sens de sauver la vie de ces patients. Dongozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. Toujours page santé, le centre de santé de Kivoga vient de passer une période de plus d'une année sans eau potable. Comme confirmé par les malades qui se font soigner à cette structure sanitaire, ce manque d'eau à ce centre de santé constitue un problème surtout en cas d'hospitalisation. Alexis Nirera, titulaire de ce centre de santé, reconnaît cette situation mais rassure que d'ici peu, la solution sera trouvée. Après une courte pause, page éducation. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Page éducation de cette édition. Les enseignants de la commune et province Bururi dénoncent une mauvaise organisation du recensement leur effectué ce mardi. À côté de l'arrêt des cours dans un trimestre d'environ 30 jours de cours, certains d'entre eux n'ont pas logé chez eux. Ce recensement a pris fin l'aube de ce mercredi. Ces enseignants exigent une bonne organisation lors d'une autre activité, pareil Jean-Pierre Misago. Les informations obtenues de certains enseignants de la commune Bururi indiquent que le recensement auquel ils étaient conviés au lycée Bururi du chef-lieu de la province Bururi ce mardi a pris fin vers 2h du matin de ce mercredi. À côté de l'arrêt des activités scolaires toute la journée de ce mardi, pas mal de ces enseignants n'ont pas répondu présent au travail à 7h30 du matin de ce mercredi, car n'ayant pas pu loger chez eux la nuit de ce mardi à mercredi. Les enseignants qui se sont exprimés demandent qu'un personnel suffisant soit déployé dans une telle activité à la prochaine fois. Cette activité devrait, selon ces enseignants, s'effectuer en tenant compte du temps scolaire et de la sécurité de ces mêmes enseignants. Richard Atungimana, directeur de l'éducation de la formation technique et professionnelle de Bururi, dit que ces lamentations de ces enseignants sont fondées et dit les avoir soumises aux envoyés du ministère de tutelle dans cette opération. De telles lamentations sont rapportées également en commune et province de Rutana. Antoine Manuma, président du syndicat général du personnel de l'éducation du Burundi, dit que le rendez-vous de ce lundi n'a pas été respecté. Et les enseignants ont dû revenir ce mardi pour cette opération dont ces enseignants disaient ignorer jusqu'à présent le bien fondé. Jean-Pierre Misago depuis Bururi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Il s'observe un tas d'immondices dans le marché central de Makamba. Ceux qui exercent leurs activités tout près de ces immondices indiquent qu'une odeur nauséabonde se propage surtout quand il a plu, craignant d'attraper des maladies. Ils demandent que ces immondices soient évacués. Le commissaire de ce marché fait savoir qu'il compte régler ce problème d'ici peu de jours. Et page société des pêcheurs du lac Dogodogo de la commune Rugombo de la province Cibitoke disent que ce métier leur fait vivre. Ils expliquent que grâce à celui-ci, ils sont capables de scolariser leurs enfants et subvenir aux besoins de leur famille. Ils ajoutent qu'ils épargnent une petite somme d'argent mensuel qui va leur servir pendant la période de leur retraite. Cependant, certains défis auxquels ils font face, entre autres, c'est l'utilisation des bateaux archaïques en bois qui ne durent pas longtemps, ainsi que l'absence des lieux d'aisance. Toutefois, ces pêcheurs affirment qu'ils ont un projet de construire ces lieux d'aisance. Je vous le disais en titre, la Cour de compte attire l'attention du Parlement burundais qu'un taux excessivement élevé de réalisation met en cause la validité de l'autorisation budgétaire. Cette Cour se base sur les exonérations prévues dans le projet de loi budgétaire de l'État exercice 2019-2020 et trois années antérieures. C'était ce mardi lors d'un commentaire sur ce projet de loi à l'Assemblée nationale. Le même projet prévoit des recettes fiscales estimées à plus de 850 milliards de francs bout contre plus de 750 milliards de l'année budgétaire en cours. Et sans transition, page internationale, c'est une nouvelle étape dans la recherche d'un accord entre l'armée soudanaise et le représentant des manifestants. Tard mardi soir, l'armée a annoncé être arrivée à un accord sur une période de transition politique de 3 ans en vue d'un transfert du pouvoir aux civils. C'est le général Yasser Atta, membre du conseil militaire, qui a annoncé le compromis trouvé entre les militaires et les représentants des manifestants. Les uns voulaient une transition de 2 ans, les autres de 4 ans. Finalement, la transition durera 3 ans. Selon le général Atta, les 6 premiers mois seront consacrés à conclure des accords de paix avec des mouvements rebelles dans l'ouest et le sud du Soudan. Et la communauté catholique pleure ses morts au Burkina Faso. Ces derniers jours, 10 fidèles ont été tués dans des attaques armées dans le nord du pays. La première survenue dimanche lors de la messe à Dablo a coûté la vie de 6 personnes, parmi lesquelles un prêtre. Le lendemain, lundi, 4 nouveaux fidèles ont été assassinés lors d'une cérémonie religieuse dans le village de Singa, dans la commune de Zimtenga. Alors que l'inquiétude gagne les croyants, les responsables politiques et religieux appellent à ne pas céder à la division. Et voilà, chers auditeurs, à 13h05, c'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je dis merci à Epitas Ndaishimi pour sa collaboration technique. Passez un bon après-midi. Au revoir.